Joséphine Benninger à Hélène Bayer à Paris. Ma bonne petite Hélène, avant tout, je vais te faire une prière. Ne regarde pas la dernière page de cette lettre avant d'en avoir lu la première, sinon toute la plaisanterie perdrait son sel. Mais attends, il faut que je me rappelle ce que je t'écris la dernière fois. Ah, c'est de la campagne que je t'écris. Bon, imagine-toi que depuis une semaine, nous étions là-bas lorsqu'il s'est mis à pleuvoir. Tu comprends notre consternation. Mais Dieu merci, il existe des voitures et des chemins de fer, et le soir même, nous nous décidions à retourner à Vienne. Figure-toi qu'à la gare, mon pauvre poète a pris des billets de première classe. Je me dis naturellement que s'il fait le généreux, c'est pour que nous soyons seuls. Et dans le compartiment, je me suis comporté en conséquence. En descendant du wagon, il fait signe à un cocher. Du coup, j'étais ébobi. Mais je dois le dire, c'est singulier. Comme cela me faisait plaisir de retrouver un peu de confortable. Près de la barrière, je descends de voiture et, comme d'habitude, j'en reprends une autre. En me retrouvant chez moi, dans ma chère petite chambre si riante et tapissée, en me couchant dans mon lit à baldaquin, il me vient une idée. Cela ne peut pas continuer ainsi, pensais-je. Il faut que cette comédie finisse. Mais dans cette comédie, il y a pourtant quelque chose de réel. Faut-il donc que cela aussi finisse? Mon poète, je n'en ai jamais été plus éprise. Je l'ai bien remarqué, quand, après ces 8 jours, je me suis retrouvé brusquement seul dans ma chambre. Ainsi donc, me suis-je dit, puisqu'il faudra me démasquer un jour ou l'autre, mieux vaut plus tôt que plus tard. Une idée, surtout, me tourmentait. J'aurais voulu la voir là, près de moi, dans ma bonne petite chambre, pour bien lui montrer combien je l'aime. Bref, pour finir, quand je m'endormis, j'étais fermement décidé à lui tout dévoiler. Le lendemain. Aussi, que fait la pépille le lendemain soir? Elle s'habille, non plus d'une modeste robe de femme de chambre, mais d'une élégante toilette de ville, la verte, que tu connais. Se coiffe d'un chapeau chic, tu ne le connais pas, je l'ai acheté en juin dernier. Elle prend son ombrelle à manches d'écaille, un cadeau du baron Langhausen, monte dans un fiacre et se fait conduire à la barrière, lieu habituel de nos rendez-vous. Il était 7h30. Il faisait déjà presque nuit. Je fais arrêter la voiture, mais je reste dedans. Sais-tu que mon cœur battait très fort, car enfin cela aurait pu rater. Je me le représentais arrivé dans son costume de velours là-bas au coin de la rue. En me reconnaissant, il prend un air sombre et me traite avec mépris, ou tout au moins me fait une scène. Me voilà donc à attendre. Il ne vient pas. Il est presque tout à fait nuit. Je n'y comprends rien, et je finis par croire qu'il m'a peut-être déjà vu et qu'il est reparti de suite. Car jamais il ne m'a fait attendre. Je remarque alors qu'à environ 20 pas de moi stationne une voiture. Elle doit être là depuis quelque temps déjà, car je ne l'ai pas vue arriver. Quelqu'un descend de la voiture, un monsieur chic, très chic. Il va et vient sur le trottoir. Tout d'abord, je ne peux pas bien distinguer sa figure, mais au moment où il passe devant ma voiture, je ne puis en croire mes yeux. C'est lui, mon poète, ce monsieur si chic qui vient de descendre de voiture. Je suis tellement ahuri que je le laisse passer sans rien dire. Mais il se retourne immédiatement, comme s'il avait oublié de regarder dans ma voiture. Il ouvre de grands yeux et ne dit que 2 mots. « Tiens, Pépi. »« Quoi, est-ce donc possible ? » reprend-il. « Pépi, c'est Pépi. » Tu ne te figures pas, ma petite Hélène, comme nous fûmes contents tous les deux. Et moi, à mon tour, « Alfred, Alfred !» Nous éclatons de rire, si fort que les passants s'arrêtent. Il me fait descendre, renvoie ma voiture, et nous montons tous les deux dans la sienne, sans avoir pu échanger une parole sensée. Dans la voiture, la nuit était venue complètement, il me dit « Mais c'est de l'opérette, c'est de l'opérette !» Il répète la phrase au moins 10 fois. Le cocher se retourne et nous regarde d'un air interrogateur. « Tiens, c'est vrai, s'écrit mon faux poète, où allons-nous » Et sans attendre ma réponse, « Au Prater !» Dans le trajet, on s'explique. Figure-toi que cette même comédie que je jouais vis-à-vis de lui, il l'a jouée vis-à-vis de moi. Nous nous sommes fait réciproquement les plus beaux compliments, mais au fond, je me suis toujours un peu défié de lui. Au Prater, il faisait délicieusement bon. Nous avons poussé jusqu'au Lusthaus. Là, nous avons repassé gaiement toute notre histoire depuis le dimanche où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et puis à 9 heures, nous sommes montés au Konstantinhügel. Il n'y a plus que très peu de monde à Vienne en ce moment. Il n'y avait presque que des étrangers là-haut. nous nous sommes fait servir, sous une détente, un de ces soupers comme nous n'en avions pas vu depuis longtemps. Nous étions bientôt prodigieusement gais et en train. Au champagne, il m'a promis que nous irions ensemble à Dieppe. C'est pour toi la chose essentielle, car j'espère bien que tu y seras avec ton ami. Ensuite, nous irons sans doute à Paris. En somme, je crois que c'est une bonne acquisition, et quand on pense qu'avec cela je l'aime véritablement, tu avoueras que je n'ai pas perdu à jouer ma petite comédie. Ah, quand je pense qu'avant-hier encore je l'ai pris pour un poète. Je termine ma lettre sur le souper au Konstantinhügel, car en revenant en voiture à la maison, je me suis presque endormi dans ses bras. J'avais pris beaucoup de champagne. Au revoir donc, ma bonne petite Hélène. N'attends plus de lettre de moi. Je te télégraphierai lorsque je partirai. Je t'embrasse, ta Joséphine.